France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. La conquête de l'Ouest, comme toutes les conquêtes dans l'histoire, s'est faite par la violence. La route des colons vers la terre promise est jalonnée de massacres. Massacre des hommes, massacre des bisons, massacre de la nature. C'est à la hache et au fusil, par le feu, l'alcool et la trahison, que la frontière a été repoussée, toujours plus loin, jusqu'à la lune. Quand la légende dépasse la réalité, on imprime la légende. C'est la réplique fameuse de « L'homme qui tua Liberty Valance » de John Ford. Et quand la réalité n'est pas supportable, on ne veut entendre que la légende. Même si on se souvient des noms de Crazy Horse, Sitting Bull et Geronimo, ce ne sont pas les Indiens qui ont écrit l'histoire du Far West. Pour le pire, Buffalo Bill et son cirque, comme pour le meilleur, Kevin Costner avec « Danse avec les loups », ce sont les vainqueurs qui l'ont écrite. En 1980, les Nuits magnétiques tentaient de remettre la légende de la conquête de l'Ouest à sa place dans la réalité. Les peaux rouges, les visages pâles et les tuniques bleues, deuxième épisode de la fabuleuse épopée du Far West. Nuit magnétique, good evening. Fabuleuse épopée du Far West. Parler du Far West sans évoquer la vie et le massacre des tribus indiennes. Entre le cours du Mississippi et le grand bassin qui s'étend sur le versant pacifique des Rocheuses, vivaient plus de 30 tribus différentes, possédant chacune sa propre langue, sa culture et son mode de vie. Certains, des chasseurs nomades, suivaient les troupeaux de bisons. D'autres étaient agriculteurs et cultivaient le maïs et le tabac. Qu'ils fussent combattants ou agriculteurs, ces Indiens avaient un sort commun. Vers le milieu du 19e siècle, les fermiers blancs, les mineurs, les bâtisseurs du rail et les éleveurs, aidés de la cavalerie américaine, s'employèrent à les chasser de leurs terres. L'issue de cette lutte n'a jamais été mise en doute. Bien que sortis victorieux de plusieurs batailles, les Indiens étaient trop peu nombreux, trop disséminés et trop mal armés pour repousser les vagues d'envahisseurs. C'était l'âge de pierre contre la civilisation des épées, des long rifles et des carabines à répétition. De Tippecanoe en 1811 à Wounded Knee en 1890, l'histoire du Far West s'écrivit toujours avec du sang, celui du peau rouge qui défendait ses terres et sa patrie, et celui de son adversaire, le visage pâle et les tuniques bleues. L'Ouest dit aussi bison, cet animal fabuleux, cet animal sur lequel toutes les nations indiennes des plaines reposaient. Leur vie dépendait du bison. Le bison, c'était presque un dieu. On le chassait pour utiliser sa chair, utiliser sa peau, utiliser ses cornes. Rien n'était perdu. Jean-Louis Rivière. Tuer le bison, par conséquent, c'était tuer l'Indien. Les bisons, personne ne peut dire exactement combien de millions erraient à travers le continent américain avant que les Blancs n'arrivent. Mais l'aire sur laquelle errait le bison était très très étendue et atteignait les Appalaches, les Rocheuses, etc. Nous sommes habitués à associer au mot de bison et à l'image du bison les immenses étendues du centre du continent. C'est vrai que là vivaient des tribus dont l'économie essentielle reposait sur la chasse. Mais il faut bien préciser que cette chasse était une chasse organisée. L'Indien n'a jamais tué davantage qu'il ne lui était nécessaire de tuer. On ne ravageait pas les troupeaux de bisons. On avait besoin du bison, il fallait ménager cette nourriture, puisqu'on savait que ménager le bison, c'était assurer à la tribu de longues années de vie. But it's still going on here today. The government now wants the poor land, that of the Seneca and the Cheyenne. It's here and it's now, you must help us, dear man, now that the buffalo's gone. Ce sont vers ces troupeaux, évidemment, que se sont portés les premiers efforts des massacreurs. Au premier rang des massacreurs de bisons, il faut signaler le rôle de M. Cody. Bien sûr, M. Cody s'appelait encore William Frederick Cody lorsqu'il fut découvert par un journaliste venu de l'Est et qui était, lui, à la chasse de sensationnels. Il arrive un jour dans un fort du centre des plaines pour faire une enquête sur le commandant de ce fort, qui s'appelait le Major North. On parlait du Major North parce qu'il avait organisé un bataillon d'Indiens ponies. Et le Major North dit à ce journaliste qui s'appelait Buntline, Ned Buntline, « Vous savez, ça ne m'intéresse pas tellement, ce genre de publicité. Maintenant, si vous voulez savoir beaucoup de choses sur l'Ouest, vous avez là un garçon, celui qui est en train de faire une sieste là-bas sous le chariot. Celui-là vous parlera. » Et celui-là, c'était William Frederick Cody. Et voilà que Buntline interviewe ce Cody, qui s'exprimait plus ou moins difficilement, mais qui était plus ou moins bavard. Et à partir de là est née la légende de Cody, le plus jeune tueur d'Indiens des plaines. Toute l'histoire de Cody repose donc sur une affabulation dès le départ. Eh bien, l'Indien vit du bison. L'Indien, c'est-à-dire les gens des plaines, les Sioux, les Cheyennes, les Kiowas. Et ces gens vont être parfaitement heureux jusqu'à ce qu'arrivent les soldats. Signalez-lui que c'est compris. Tenez. Ça se gâte, mon lieutenant. Je ne sais pas. Hé, hey, lieutenant! On vient de m'informer que les Indiens préparent quelque chose. Vous savez ce qu'ils veulent? Le chef dit que le chemin de fer n'a pas respecté ses engagements. Ils ont changé le tracé et font passer la ligne à travers les terrains de chasse. Vous êtes sûr que le chef dit vrai? Absolument sûr. Les Indiens ont déjà leur peinture de guerre. Vous ne pouvez pas prétendre de bonne foi que cette petite déviation du tracé va priver ces Indiens de malheur d'un seul bison. Monsieur... Ils ne perdront même pas un lapin. Monsieur King, il faut leur faire voir les choses d'une autre façon. On ne leur fait aucun mal. Qu'est-ce que c'est pour eux, un chemin de fer? Deux rails et un sifflet. Ce ne sont pas les rails qui les effraient. C'est ce que les rails apportent. Tous les blancs qui vont venir chasser les bisons et les massacrer. Et aussi tous les colons qui viendront. Ils viendront dans combien? Dans 20 ou 30 ans, peut-être plus. Il y a beau temps que nous serons morts et enterrés. Et pour l'instant, nous ne faisons que traverser le territoire, c'est tout. Un territoire qui restera leur propriété pendant toute une génération. Allez leur dire ça. Fumez le calumet de la paix avec eux, faites tout ce qu'ils voudront. Mais obtenez un nouvel accord. Soldats, pourquoi sont-ils là? Pourquoi s'aventurent-ils au centre des plaines, dans des territoires qui sont encore indiens? Tout s'est dégradé du jour où les soldats sont arrivés. Exemple, au long d'une piste qui se dirigeait vers le nord-ouest, vers le Wyoming, du Wyoming jusqu'au Montana, une piste qui avait été ouverte par un nommé Bozeman, les militaires se mettent en tête de construire des forts. Trois forts exactement, dont l'un portait un nom célèbre, le fort Kearney. Il y a donc ces forts qui jalonnent cette piste, soi-disant pour protéger la ligne de communication avec les terrains aurifères, les zones aurifères du Montana. On a découvert de l'or, en effet, à cette époque, vers les années 1860, dans le Montana. Et les Indiens ne peuvent pas admettre que les Blancs demeurent ainsi. S'installent dans des forts, organisent des patrouilles. Ils savent très bien ce que cela signifie, qu'un jour ou l'autre, ces Blancs finiront par imposer leurs lois sur leur territoire et les chasseront. Or, la piste Bozeman, comme on l'appelait, et le fort Phil Kearney sont plantés au beau milieu du territoire des Sioux. Et c'est alors que les Sioux vont commencer une série d'entreprises de harcèlement pour chasser les soldats. Les trois forts en question vont être harcelés. Les patrouilles qui en sortent vont être attaquées. Des escarmouches parfois violentes et meurtrières vont opposer les Sioux et les soldats. Et parmi ces Sioux se révèlent des chefs. En particulier l'un d'eux, Crazy Horse. Crazy Horse va laisser un nom très célèbre. De même que Red Cloud. Chalan est une position clé. Si Nuage Rouge s'en emparait, il n'y aurait plus rien entre lui et Fort Laramie. C'est un gaillard rusé et habile. Nuage Rouge est un sauvage, pas Napoléon. Auriez-vous peur d'un sauvage primitif? Vous avez eu l'occasion d'éprouver ce sauvage primitif à Medford? En effet. Mais je vais y retourner, capitaine. Nous y retournerons tous ensemble. Je pendrai Nuage Rouge et assez de ces hommes pour inspirer une crainte salutaire à tous les Indiens de cette région. Finalement, les tentatives de harcèlement furent réussies et en 1866-67, les soldats durent évacuer les forts de la piste Bozeman. C'était quelque chose d'absolument exceptionnel. Pour la première fois, l'armée reculait devant la menace indienne. C'est dire que ces postes étaient très avancés dans les solitudes, que les lignes de ravitaillement étaient très difficiles à assurer et que les Sioux étaient encore une nation extrêmement puissante. Pourquoi? Parce qu'elle était bien nourrie, parce qu'elle mangeait du bison, parce que le bison était là d'abondance. Malheureusement, les Sioux avaient contre eux la géographie et le destin. La géographie, on vient d'en parler, justement, cette piste qui rejoignait les lotissements de la région du Mississippi jusqu'au Montana. Deuxièmement, la géographie dans le territoire des Sioux, un massif montagneux, le massif des Black Hills. Et voici qu'en 1873-1874, on commence à parler de la présence d'or dans les Black Hills. Et évidemment, aussitôt qu'on parle d'or dans un endroit, il y a un début de ruée, puis si les découvertes se confirment comme étant extrêmement intéressantes, la ruée s'amplifie et prend de la vigueur et de la puissance. When formed our band, we are well manned to journey afar to the promised land. The golden ore is rich in store on the banks of the Sacramento shore. Then ho, boys, ho, for California, oh. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. As off we roam where the dark seas foam, we'll never forget kind friends at home. But memory kind still brings to mind the love of friends we left behind. Then ho, boys, ho, for California, oh. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. We'll expect our share of the coarsest fare and sometimes sleep in the open air. On the cold, damp ground, we'll all sleep sound except when the wolves go howling around. Then ho, boys, ho, for California, oh. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. As we explore to the distant shore, filling our pockets with a shining ore, how it will sound as the shout goes round, filling our pockets with a dozen pounds. Then ho, boys, ho, for California, oh. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. The gold is there most anywhere, we dig it out rich with an iron bar, but where it is thick with spade or pick, we take out chunks as big as a brick. Then ho, boys, ho, for California, oh. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. Then ho, boys, ho, for California, oh. There's plenty of gold, so I've been told, on the banks of the Sacramento. Quand on a franchi les Appalaches, alors là, on trouve des groupes qui sont importants en nombre, qui sont bien armés, qui sont, s'il s'agit des Sioux, par exemple, reconnus par les officiers américains comme étant les, parmi les meilleurs guerriers et les meilleurs cavaliers qu'on connaisse. Elise Marion Strass. Y compris parmi les Européens. Alors, ils affrontent et ils ont des tactiques militaires très variées. Ils pratiquent souvent la guérilla ou la lutte à champ ouvert. Ils n'entourent pas toujours les caravanes comme c'est montré dans les westerns en général. Ils ont donc des formes militaires extrêmement variées, qui varient d'une tribu à l'autre d'ailleurs, mais qui leur permettent quand même de résister pied à pied à l'avance des Blancs. Et puis technologiquement, finalement, les Blancs sont quand même supérieurs et parviennent aussi, ils utilisent... Les Indiens, dans ces guerres, on les traite toujours de traîtres, on les traite toujours de menteurs, on dit toujours qu'ils ne tiennent pas leurs paroles, mais la tricherie est énormément employée par les Blancs également. On signe un traité avec eux, on ne le respecte pas. On fait venir un chef indien avec des guerriers dans un fort et on lui promet que là, on va signer un traité, on va négocier et on va bien s'entendre. Et quand le chef arrive, on le tue. Ça a été le cas pour Crazy Horse, par exemple. Il y a donc une guerre qui n'est absolument pas honnête de la part des Blancs, puisque les Blancs sont décidés coûte que coûte à prendre et leur terre aux Indiens et à installer leur propre civilisation à la place de celle des Indiens. Allez, les chariots, allez, les hommes, place en bourse, on a salué. À la voie ferrée. Allez, les hommes, les hommes, les hommes, allez, les pêcheurs, les pas de côté. Allez, les hommes, les hommes, allez, les pêcheurs, les pas de côté. vers le pont. Débarras. Les Cherokees sont un groupe qui a essayé de résister à l'emprise des Blancs par un moyen différent de celui de la guerre. Ils ont essayé de résister aux Blancs par leurs propres armes, c'est-à-dire en apprenant des Blancs ce qui pouvait leur être utile. Ainsi, ils ont réorganisé, dès la fin du XVIIIe siècle, ils ont réorganisé leur tribu, leur village, dans des formes semblables à celles des Américains. C'est une tribu qui est parfaitement organisée et qui se suffit à elle-même grâce au développement de l'agriculture, de la pêche, etc. En 1828, un des leurs, qui se nommait Sequoia, et ce nom a été donné en son honneur, justement, son souvenir, aux grands arbres des forêts du sud de la Sierra Nevada, en Californie, les fameux séquoias. Séquoia est une sorte de sage. Et il donne aux Cherokees un alphabet. Un alphabet qui comprend, je crois, une cinquantaine de signes. Et en 1828, un événement considérable se produit. C'est la sortie du premier numéro d'un journal Cherokees qui s'appelle le Cherokee Phoenix et qui est un journal bilingue. D'un côté, des articles écrits en Cherokee selon l'alphabet de Sequoia. De l'autre, ces articles traduits en anglais. Eh bien, ils se sont dit, maintenant, les Blancs ne peuvent plus ne pas nous considérer comme des égaux. Ils ne peuvent plus dire, nous sommes des sauvages. Nous avons une écriture, nous avons une constitution, nous avons un mode de vie politique et agricole. Ils avaient même des esclaves. Nous sommes dans le sud des États-Unis. Ils cultivent le tabac, ils ont des esclaves. Nous sommes donc maintenant pareils aux Blancs. Donc, ils peuvent dire que nous sommes égaux et nous allons demander à devenir un État des États-Unis, un État de Cherokee. Et ça a été un scandale. Les Américains ont été encore plus choqués par cette exigence des Cherokees parce qu'ils n'avaient vraiment pas d'argument à leur répondre. Alors, on les a la solution, puisque de toute façon, ils occupaient des terres qu'on voulait parce qu'il y avait des mines d'argent. Eh bien, la solution, elle a été trouvée par le fameux grand démocrate de l'Ouest, Andrew Jackson. Ça a été de les déporter, de les sortir de l'État dans lequel ils avaient leurs terres et de les déporter vers l'Oklahoma. Et la route qu'ils ont suivie pour l'Oklahoma, qui a duré plusieurs mois, en a décimé la moitié. Ils ont fait toute la route à pied. Ils étaient entourés de soldats. C'était un exode abominable. Et cette route, ils l'ont appelée la piste des larmes, en souvenir de l'horreur qu'ils ont connue pendant cette époque. Et finalement, dans l'Oklahoma, eh bien, ce groupe, qui était d'une résistance incroyable à l'extermination, ce groupe a reconstitué sa tribu, ils ont appliqué leur constitution et ils ont continué à vivre comme une nation, la nation de Cherokee. Dans ces régions, il y avait des groupes, avant le XVIe, XVIIe siècle, il y avait des groupes, des tribus, qui vivaient surtout de chasse, mais aussi beaucoup d'agriculture, donc plusieurs tribus, Sioux, des Crows, des Cheyennes, des Utes, des Paiutes, de nombreuses autres tribus. Il se trouve que ces groupes-là, qui ressemblaient finalement assez aux tribus qui vivaient à l'Est, dans leur mode de vie, disons, dans leur forme économique, ont connu une véritable révolution économique avec l'arrivée des Espagnols. Le cheval qu'ont importé les Espagnols, que dont ils ont laissé quelques éléments se perdre dans les montagnes, et ces chevaux sont devenus sauvages, se sont multipliés, et d'autre part, les Espagnols qui étaient au sud, au Mexique, possédaient également des chevaux qui ont été volés, par exemple, de nombreuses fois par des Apaches, etc. Le cheval s'est donc répandu dans les grandes plaines, a été utilisé donc par ces tribus, les Sioux, et on peut dire qu'à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, ces tribus en ont connu une véritable révolution culturelle. Elles ont totalement changé. Alors il faut bien voir que les Sioux, les Cheyennes ou les Crows qu'on montre aujourd'hui au cinéma sont de fabrication en quelque sorte assez récente dans l'histoire. Dans la préhistoire, ils avaient certainement des mœurs assez différentes. Where are they going? Home. Home? What you call Yellowstone Country. What about the children? They are Cheyenne. Well, who will care for them? We will do what we can. They are Cheyenne. En 1864, une campagne est décidée pour soumettre une à une les tribus de ces régions-là. C'est en 1864, donc c'est pendant la guerre de sécession. Il n'y a plus guère de soldats réguliers dans les forts du centre des plaines et de la base des Rocheuses. On fait appel à des milices de volontaires. Parfois même, on va enrôler des prisonniers sudistes que l'on va extraire des camps de prisonniers et auxquels on va promettre une solde régulière et un traitement de faveur s'ils acceptent de servir sous l'uniforme nordiste, c'est-à-dire l'uniforme des soldats bleus. On va appeler ces gens-là les Yankees blanchis, Galvanized Yankees. Et ce sont eux, en effet, qui seront chargés de ces missions de surveillance des lignes de télégraphe et des lignes de communication qui vont constituer les garnisons de ces forts. Troops all prisoner accounted for, sir. Thank you. Il y a quand même des éléments de l'armée régulière. Et les plus terribles, ce sont les milices de civils qui vont se constituer. Et c'est ainsi qu'au Colorado, à Denver précisément, une milice va se constituer sous le titre des volontaires du Colorado. Et cette milice place à sa tête un prétendu colonel qui s'appelle Chivington. Et Chivington va armer cette milice assez fortement, comme l'agitation des Indiens prend de plus en plus d'importance dans cette région voisine du Colorado, dans les plaines. On va décider de marcher une bonne fois pour toutes contre ces Indiens et de les soumettre. Et c'est ainsi que Chivington commet un crime atroce. Un petit matin de janvier, son régiment arrive aux alentours d'un camp de Cheyenne absolument endormi. C'est l'hiver, il fait froid, l'aube commence à se lever. Chivington dispose ses hommes tout autour du camp, met en position des obusiers de montagne et dès que le jour commence à se lever, ordonne le tir. Surprise des Cheyennes, qui sont des Cheyennes du Sud, puisqu'il existait à la même époque des Cheyennes du Nord. Ces Cheyennes du Sud ont pour chef Black Kettle. C'est un massacre atroce. La moitié de la tribu, hommes, femmes, enfants, est massacrée à l'arme blanche, au revolver. C'est quelque chose d'atroce qui soulève une réprobation, pas tellement au Colorado, mais dans l'Est des États-Unis, lorsqu'on apprend ce qui s'est passé. Chivington rentre en triomphateur à Denver avec des prisonniers, quelques prisonniers, et surtout plusieurs dizaines de scalps que l'on expose triomphalement sur la scène du théâtre municipal. Nous sommes en 1864, c'est le célèbre massacre de Sand Creek. Malheureusement, c'est Cheyenne du Sud qui avait survécu aux horreurs de Shevington vont tomber 4 ans plus tard sous les coups d'un autre chef. Celui-là est un général, un lieutenant-colonel de l'armée régulière. Il s'appelle George Armstrong Custer et il va s'illustrer en 1868 en anéantissant le reste de la bande des Cheyennes de Black Kettle, des Cheyennes du Sud. Et ce sera le terrible massacre, aussi en hiver, aussi par temps de neige, de la Ouachita. Ceux qui ont vu, d'une part, Soldats Bleus, ont compris ce qu'était Sand Creek. Ceux qui ont vu Little Big Man comprennent aussi ce que fut le massacre de la Ouachita. Voilà les relations à ce moment-là entre Indiens et Blancs. Ce sont des relations de guerre, des relations d'antagonisme, et qui vont culminer par une série de combats par lesquels Washington essaie de faire de la place, d'isoler les Indiens sur des réserves, de les écarter de la route des Blancs, de les écarter des pistes. De nouveau, il y a des forts le long de la Bozeman, de nouveau, le long de la Platte, il y a des forts. Les tribus sont de plus en plus réduites. Mais au nord, dans la région des Black Hills, où l'on a découvert de l'or, les Sioux sont bien décidés à résister. Et pourtant, contre eux, s'organise une formidable coalition de forces. Elles vont converger pour prendre en tenaille les Sioux. Et un des commandants, justement, d'une de ces colonnes, fut le célèbre Custer qui veut s'illustrer. Custer, c'était l'orgueil incarné. C'était le désir de briller par lui-même, de tirer la couverture à lui, de s'attirer la renommée qui avait été autrefois la sienne. Il faut savoir en effet que Custer n'avait que 25 ans à la fin de la guerre civile, qu'il s'était distingué sur quelques champs de bataille pour des combats de dernière minute dans la guerre de sécession. Aucun de ces grands combats comme Gettysburg, Chancellorsville, etc. Non. Mais enfin, la publicité a fait de lui le Boy General. Et il galopait à travers cette réputation, à travers cette renommée. Et il crut que de nouveau la chance se présentait à lui. Il pensait qu'il lui revenait maintenant d'anéantir les Sioux. Malheureusement, il fut anéanti lui-même avec son régiment, le 7e de cavalerie, et c'était la terrible bataille de Little Big Horn. Il faut dire que Custer s'est jeté dans la gueule du loup comme un imbécile, vraiment comme un imbécile. Il y avait plus de 5000 Indiens réunis, puisqu'il y avait des Sioux, des Cheyennes, je ne sais plus quelle autre tribu, pour discuter justement du fait que les Blancs voulaient envahir les Black Hills, qui était leur territoire sacré. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a 25 versions de Little Big Horn. Moi j'en ai lu une qui est très très drôle dans le livre de Luther Ours Debout, qui est un vieux livre. C'est un Sioux qui a écrit ses mémoires au début du siècle, un des premiers qui est allé à l'école indienne de Carlisle. Et il raconte que quand Custer a attaqué, tous les Indiens étaient dans la Little Big Horn en train de se baigner parce que c'était un jour très très chaud. Alors, quand ils ont vu les soldats arriver, certains se sont précipités sur leurs armes et sont partis tout nus, et puis d'autres sont allés s'habiller. Alors quand un Indien s'habillait, ça pouvait prendre du temps, à tel point qu'il y en a un qui s'est vêtu, peint, tressé les cheveux, Et finalement, quand il était prêt, une partie des soldats était déjà dans le village et la bataille était bien engagée, presque finie. Et un jeune homme, donc c'était la première bataille, qui à un moment a remarqué que son cheval boitait. Alors il l'a emmené un peu à l'écart, c'est très vallonné le site de Little Bighorn. Il l'a amené un peu à l'écart pour le soigner, il a commencé à le soigner. Là-dessus, il a vu une fumée, il s'est approché et il a vu deux de ses camarades qui étaient en train de se faire griller un cuisseau de bison parce qu'ils avaient eu faim. Alors le jeune homme s'est installé pour manger avec eux et il raconte de façon extrêmement ingénue, on a dû manger très très longtemps parce que quand on s'est arrêté, le jour avait été fini et la bataille aussi. Et Luther Housedebout dit que Custer s'est suicidé. Il dit que les Indiens l'ont laissé la vie sauve, que quand tout le monde a été massacré, ils ont laissé partir Custer, qui est parti sur 200 ou 300 mètres, qui s'est retourné et qui s'est tiré une balle dans la tête. Ça, c'est la version des Indiens. Here is a western we saw last night, full of action and dynamite. We thrilled and nearly stood on our head from the moment the hero walked in and said, I'm Wild Bill Hickok and I'm brave and strong. I've been riding the range for 6 months long. I've been riding the range around enough cattle. I got so many blisters, I'm tall in the saddle. I am a villain, I'm mean as can be. I hate the hero cause he sings off key. I'm an ornery cuss and I'm so full of lead. When a rattlesnake bites me, he drops down dead. Why, chewing on bullets is my daily routine. See what I mean? Me injured, nice and tan. Me also businessman. Me take 'em scalps to make 'em penny. Sell 'em to man named Jack Benny. Our story takes place in a lawless town. They've called on Hiccup to tame things down. He's just arrived, and who should he meet but the no good outlaw Poison Pete? Pete, I hear you've been a rustling again. And I blow up the bank and I shot 20 men. I held up the stagecoach and robbed the mail car. One of these days you're gonna go too far. I see. C'est la grande victoire pour les Indiens et pour les Blancs, en réalité, cela représente la plus grande humiliation de tout l'épisode des guerres contre les Indiens. Alors, les Américains n'ont pas pu accepter cela, ce qui fait qu'ils ont tout simplement déformé complètement les faits. Ils ont présenté Little Bighorn comme étant vraiment l'extrême de la traîtrise des Indiens, de leur cruauté, de leur férocité. Ils ont fait de Custer un grand héros martyr et on a ainsi la légende, qui est la plupart du temps celle sous laquelle est montré Custer, de cet homme très beau, avec les beaux cheveux blonds, les belles boucles blondes qui lui tombent sur les épaules, les yeux bleus perçants, une intelligence, un héroïsme, une grande virilité. Cet homme, d'ailleurs, devant lequel toutes les femmes tombaient à genoux, eh bien, il a été traîtreusement massacré par les Indiens. En réalité, c'est une défaite très humiliante et très significative pour l'armée américaine. En regard, il y a les soldats. Or, tous les journaux qui nous ont été légués, écrits par des officiers, regrettent tous la pauvre qualité de ce recrutement. Ces soldats étaient des gens qui étaient sans travail dans les villes de l'Est, qui s'enrôlaient pour avoir un peu d'argent, $15 par mois, c'était la solde, qui n'avaient reçu aucune formation préliminaire avant de se trouver comme ça dans un poste perdu. Votre effectif, capitaine. 140 hommes, des nouvelles recrues. La moitié est incapable de se servir d'un fusil, et l'autre moitié prend un rhume pour une nuit passée dehors. On peut y remédier. Ils nous ont envoyé les déchets dont ils pouvaient se passer pour leur guerre. Je crois que nous sommes nous aussi des laissés pour compte, mis au rencard dans ce coin perdu par le ministère, excellent moyen de se débarrasser de nous. Ce qui ne veut pas dire que nous soyons des lâches. Si on entend par lâche un homme écœuré par les tueries et le sang, je suis un lâche. Plus que vous ne pensez. On ordonnait à ces gens, allez, formez-vous en compagnie. Vous savez, une compagnie, c'était 30 à 35 soldats, pas plus. Et vous allez, nous allons en patrouille. Nous allons en patrouille 15 jours de vivres. Mais quelle belle cible pour une demi-douzaine d'apaches embusqués au bon endroit, vous comprenez? Si bien que ces guerres, dans le fond, ces guerres ont été aussi meurtrières pour les soldats que pour les apaches. Et je ne suis pas persuadé de la volonté manifeste de beaucoup d'officiers d'affronter les apaches. Il y avait une telle frayeur, une telle frousse au départ, vous savez. J'ai assez d'être enfermé entre les quatre murs. J'ai besoin de grand air. de Grantaire et l'Esmorce. Vous ne savez pas, colonel. Tous les deux, on va montrer à ces sauvages comment on meurt, n'est-ce pas? Moi, je compte prendre 10 scalps. Combien allez-vous en prendre, vous? Moi, j'en aurai 10. J'en aurai 10 avant qu'ils aient le mien. Et maintenant, vous, mes gars, allez rejoindre vos belles dames. Prenez-les dans vos bras. Donnez-leur un baiser. Un long baiser. Un baiser d'adieu. Et celui qu'elles vous rendront sera le dernier que vous recevrez. Dès cette minute, nous voilà tous en route pour le paradis des guerriers. Et le colonel et moi, nous y arriverons les premiers. N'est-ce pas, colonel? Ouvrez les portes! Ouvrez-les toutes grandes! Nuages rouges, nous voilà! Moi et le colonel et tous ces braves bougres de soldats, ouvrez les portes! Nous voilà! Nous voilà! Il y a donc toute une image que le western nous a transmise, qui est une image souvent et même fréquemment mensongère, vous comprenez. Quand on aura compris que l'Apache n'était pas aussi détestable que la légende a voulu le dire, eh bien, on restituera à l'histoire sa vérité et aux hommes leur vérité profonde. Ainsi, du côté Apache, on parle de Cochise, on parle surtout de Geronimo. Hell's here full of Apaches. They burnt every ranch building in sight. He had a brush with them last night. Says they're being stirred up by Geronimo. Geronimo? How do we know he isn't lying? He's a Cheyenne. They hate Apaches worse than we do. Clear the wires to Lordsburg. That's Lordsburg now, sir. They seem to have something very urgent to tell you, sir. Well, what's wrong? The line went dead, sir. What do you got there? Only the first word, sir. Geronimo. Point croire que Geronimo était un chef de guerre. Non, Geronimo était un homme qui agit toujours par lui-même. C'était un homme des raids solitaires, très fréquents vers la Sonora, etc. Il a pris l'importance à l'époque où les Apaches étaient à peu près réduits à n'être plus que des tribus enfermées dans une réserve, sur une réserve à San Carlos. Eh bien, Geronimo, c'est 1876, c'est 1886, époque de sa dernière reddition. Où en sont à ce moment-là les tribus? C'est terminé, ou presque. Sur les tribus, dans les plaines du Nord, sur les réserves des Sioux, naît une croyance nouvelle. Les esprits, la danse des esprits. Si on pratique la danse de telle et telle manière, si on écoute ce que disent les sorciers, ou les chamans, les prêtres, autrement dit, peut-être que les bisons reviendront, peut-être que les blancs partiront, peut-être que le monde va changer. Et c'est à ce moment-là que se développe une religion, une véritable religion, qui est vraiment une religion des désespoirs. Mais c'est le seul recours, le seul réconfort. Et cette religion est connue sous le nom de danse des esprits. Cette danse des esprits s'est surtout répandue dans le territoire des plaines du Nord et des Sud. Si bien qu'elle a fini par inquiéter les autorités. Et qu'en 1890, on a pris un prétexte quelconque pour tenter de liquider une bande de Sioux. C'était l'hiver, c'était en décembre 1890. Et les soldats ont marché contre ces Sioux, ont essayé de négocier, les ont attirés dans un camp, les ont enfermés derrière des barbelés et les ont supprimés à la mitrailleuse. C'était le dernier massacre, c'était Wanekni. We'll be right back. Custer, Sitting Bull, La Bataille de Little Bighorn, Geronimo, Wounded Knee. Pendant près d'un siècle, ces noms ont résonné dans la conscience des Américains et des Européens. Cependant, l'histoire qu'on nous enseigne est fondée sur des malentendus et des mythes. L'engagement de Little Bighorn ne fut pas une embuscade indienne, mais le résultat d'une attaque des Blancs contre des positions Sioux. Sitting Bull, ce jour-là, ne prit pas part au combat. Ce fut Crazy Horse. Et il n'appela pas cet engagement de Little Bighorn. Pour lui, il s'agissait du combat de la Greasy Grass, une rivière de la région. Quant à Wounded Knee, c'est là qu'un vieillard mourant de pneumonie fut massacré avec 300 des siens, quelques jours après le meurtre du vieux Sitting Bull à Standing Rock. Dans l'histoire de la domination de l'Indien, il faut ajouter l'alcool, l'indispensable instrument de corrosion qui supprime toute résistance, à quoi s'ajoute l'action plus insidieuse d'un gouvernement qui essaie de couper l'Indien de sa culture traditionnelle. Ce sont des Blancs qui ont écrit des livres d'histoire, ce sont des Blancs qui ont tourné des films à Hollywood, et ce sont encore des Blancs qui, à 8000 km de Hollywood, imitent la vie et la culture des tribus des plaines du siècle dernier. Ces Blancs, des indianistes, trouvent tout ce qu'il leur faut dans des trading posts. Laurence Harley, scénariste d'une bande dessinée sur le Far West, nous en a parlé. Les trading posts, c'était, en fait, c'était des bazars. C'était l'endroit où, où on trouvait tout le nécessaire et où on échangeait, parce qu'on échangeait beaucoup. C'est-à-dire, les Indiens venaient avec des fourrures et repartaient avec des bouts de verroterie, enfin, des perles sublimes, rose intérieur blanc ou bleu alchimique. Attention, pas n'importe quoi. Mais vous avez eu vous-même un trading post et à Paris. Oui, c'est mon mari qui a eu cette idée grandiose. Ça a commencé dans un terrain vague à Gennevilliers, ça a fini rue Étienne Marcel. On en a eu 3. Et on vendait du matériel brut pour les indianistes, et puis des vêtements en peau que faisait mon mari, et puis on faisait venir des États-Unis, des calumets en catlinite, des mocassins perlés, des rattles, des objets, des tas d'objets. Et ça marchait pas trop mal, enfin pas au début, mais au milieu, passage Choiseul, ça marchait même bien. C'est la mode des Indiens, y en a dans tous les coins. Moi qui reviens du Poitou, j'ai vu des Sioux. Il paraît qu'à Arromanches, qu'il y a même des Comanches. Et du côté d'Ajaccio, Geronimo. D'ailleurs, les Américains étaient fascinés par cette boutique parce que, bon, c'était un fouillis inextricable où on trouvait de tout sauf de la nourriture, parce que ça, on n'avait pas le droit de le vendre. Ce qui est bien dommage, parce qu'on aurait bien vendu du riz sauvage et du sirop d'érable. Mais tout le monde était assez fasciné, puis on s'amusait beaucoup. Dans les rues de Strasbourg, on a vu des peaux rouges, et dans celle de Saint-Étienne, des Cheyennes. Quand ils n'ont rien à faire, de guerre et viennent faire leur cinéma devant moi. Oh là là, il y avait des boucles de ceinture, des conchos, des... quoi encore? Des casse-têtes, des arcs, des flèches. Oh là là, des reproductions de Remington et de Kathleen, des bouquins sur l'Ouest. Des bijoux Navarro aussi. Enfin, des tonnes de trucs, on vendait vraiment des tonnes de trucs. Ce sont des gens qui vivent leur passion d'une certaine manière, qui s'identifient davantage à l'Indien, qui ne le voient pas avec une certaine distance, mais qui se plaisent à s'habiller en tenue indienne. Antoine Zapoff. Certains s'estiment très proches des Indiens, passés par je ne sais trop quel miracle. Mais ils sont toujours Indiens des plaines et... chaque fois qu'il y a une société à représenter, c'est toujours une société guerrière. L'idée guerrière est très, très présente dans l'identification indianiste. J'ai jamais vu de tribu pacifique de Californie, de Gossiut ou de Panamint parmi les indianistes. Je crois remarquer aussi que pas mal d'intérêt sur la production indienne se porte sur les armes. Les indianistes passent leur temps de loisir. Bon, en général, ce sont des des employés, des gens de la moyenne bourgeoisie. Et j'en connais un qui a un mobilier empire chez lui, et le samedi soir, il fait un pogo, il invite ses copains, on repousse les meubles empire, on s'assied en rond en tailleur sur le tapis, on fait passer le calumet, on envoie les femmes à la cuisine. Et c'est très très sérieux. Mais enfin bon, je connais d'autres indianistes qui sont moins ringards et qui ont leur appartement entièrement refait comme une log cabine aux États-Unis en 1860. C'est hallucinant. Et qui travaillent d'une façon extraordinaire, vraiment extraordinaire. Qui font des chemises de guerre sioux, perlées ou couillées, c'est-à-dire brodées avec des piquants de porc-épic, avec des mèches de scalp qui coupent dans leur propre chevelure en général. Et c'est vraiment très très beau, c'est quasiment de l'art. Les peaux rouges sont rusés, mais pas intelligents. Oh, oh, mais Jean a commis une grosse erreur en sous-estimant l'adversaire, car très vite, sa troupe est encerclée par des arbres qui marchent tout seuls. Caché sous chaque arbre, il y a un peau-rouge, rusé certes, mais intelligent. Mon nom indien, si vous voulez que je vous le dise, c'est Matomani, Matromani. En Lakota, ça veut dire l'ours qui marche. J'ai commencé par faire de l'équitation dans un ranch qui faisait un peu de l'équitation américaine, quoique ce n'était pas encore tout à fait ça. En fait, si vous voulez, on montait à cheval plus ou moins déguisé en cow-boy. Et à force de jouer au cow-boy, j'ai un jour eu envie de regarder ce qui se passait de l'autre côté et de voir ce que c'était qu'un Indien. Comment est-ce qu'on joue au cow-boy indien ? Bon, ben, y a certaines personnes qui sont les cow-boys et d'autres qui sont les Indiens. Et bon, ben, tu joues plutôt à faire une aventure de Far West. Y a les cow-boys et les Indiens d'un côté, d'un autre côté, et ils se font la guerre. Alors tu fais ils se battent entre eux. C'est ça jouer au cowboy aux Indiens, et tu fais toute une aventure comme ça. D'accord. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux Indiens et plus particulièrement aux Indiens des plaines. Il y a des quantités de clubs westerners, indianistes, enfin pas des quantités, mais il y en a quand même quelques-uns, et aussi des clubs d'équitation américaine. Il y a une association qui s'est créée il y a pas longtemps, il y a quelques mois, qui s'appelle l'Association française d'équitation américaine. Alors, si vous voulez, ma démarche a été la suivante. Plutôt que de m'intéresser aux Indiens à travers les livres ou à travers le cinéma, puisque c'est à peu près tout ce qu'on en connaît, j'ai pensé qu'il serait plus amusant peut-être de m'y intéresser de l'intérieur. Autrement dit, j'ai essayé de reconstituer une période bien précise, d'une tribu bien précise également. La période en question, c'est de 1865 à 1876. Et la tribu, c'est j'ai choisi les Sioux parce que c'est les plus beaux, les plus connus peut-être aussi. Enfin, j'avais pas d'idée tellement préconçue au départ, quoi. Les Crocs, je les aime pas trop parce que pour des raisons internes, si vous voulez, étant ennemis des Sioux qui vivaient sur le territoire voisin, ils se sont alliés aux blancs et de ce fait, ils ont donc favorisé l'arrivée des blancs, des visages pâles dans leur pays, quoi. Alors les Crocs étaient éliminés, les autres, j'aurais pu aussi bien, oui bien sûr, choisir les Cheyennes par exemple, pourquoi pas, mais enfin ça a été les Sioux. En fait, si vous voulez, on s'amuse à reconstituer des parures de tête, des coiffures, des vêtements, en essayant d'être aussi proche que possible de la réalité. Alors, comment concilier la vie d'un Sioux à Paris et la vie d'un représentant de commerce? Ça se concilie pas, forcément. Hein, je fais plus la guerre à personne, à mes clients des fois, et encore... non, ça se concilie pas. Non, mais il n'y a pas que la guerre dans la vie des Sioux. Il y a aussi toute une partie culturelle qui est fort intéressante. Et c'est celle-là, justement, qui me convient le mieux. La reconstitution du matériel, faire une coiffure de plumes, c'est assez extraordinaire. Il faut trouver 28 plumes d'aigle, de queue, de milieu de queue, parce que c'est pas n'importe laquelle. Trouver des crins, les teindre en rouge ou en jaune, ajouter des petits bouts d'hermine, perler un bandeau. Enfin, c'est tout un travail qui prend beaucoup de temps. Beaucoup de recherches et ça fait partie aussi du jeu, quoi, disons. Oh non ! Oh non ! Pitié, grossesse ! N'aie pas peur, c'est pour rire, Michel ! Pas pour rire du tout ! Ah ! le tipi, donc c'est cette fameuse célèbre tente conique qui sert encore actuellement de signe international pour le camping. Les Sioux étaient les premiers campeurs, vous voyez, hein, les Sioux, les nomades des plaines étaient les premiers campeurs. Alors pour faire un tipi, on prend, c'est actuellement fait en toile depuis déjà 1890 par là. C'est donc grosso modo un demi-cercle de toile, si vous voulez. Bon, une fois que le demi-cercle est fait, on érige une quinzaine de perches de 5 mètres, 6 mètres de haut, ça dépend de la taille du tipi, et on monte la toile là-dessus, ce qui donne un cône. C'est une habitation merveilleuse. On fait du feu à l'intérieur, il n'y a jamais de fumée, pour peu qu'on utilise un bois à peu près sec. Et il y a un système de ventilation qui fait que, en fonction de la direction du vent, on peut orienter les oreilles pour que le vent attise le feu et expulse la fumée. La plupart de notre matériel vient d'Allemagne. Les Allemands sont beaucoup plus avancés que nous dans ce hobby. Ils sont plusieurs milliers sûrement d'indianistes en Allemagne. Il y a au moins 100 clubs, oui, qui se réunissent pratiquement toute l'année. Alors que nous, en France, l'hiver, on ne fait pas grand-chose. Nous essayons actuellement de mettre sur pied une réunion annuelle qui s'appelle un council, mais il y en a en Allemagne qui existe déjà depuis 30 ans. Et tous les ans, donc, nous nous réunissons, nous allons en Allemagne au council allemand. C'est un peu, je l'ai déjà dit à un journaliste américain, The Times, c'est un peu comme la Mecque pour un musulman pour nous. C'est principalement réservé aux indianistes, mais il y a aussi des westerners, ce qui fait que vous avez 100 tipis dans un pré avec des Allemands, avec des fois des grandes barbes blondes qui sont entièrement habillées en indien, avec des vêtements en peau de cerf, cousus au nerf, perlés. C'est assez extraordinaire. Ils sont dans des peaux de bison quand ils dorment. Et il y a le camp des westerners à côté, qui est toujours un petit peu séparé parce que les westerners, ils foutent toujours le désordre. Ils n'ont pas le droit de rentrer avec leurs armes dans le camp indien parce que comme ils ont tendance à tirer des couteaux en l'air, ça dérange tout le monde. Mais c'est très intéressant parce que pendant 3 jours, vous avez, je ne sais pas, 200 ou 300 personnes qui vivent comme s'ils étaient dans l'Ouest en 1870. On ne joue plus du tout à la petite guerre. On essaie de canaliser l'agressivité naturelle de chacun dans des jeux western comme le lasso, le lancer de couteau, le tir à la cible, le tir à l'arc, voilà, des choses comme ça. Il n'y a pratiquement pas de jeu équestre. C'est assez regrettable, mais c'est comme ça, c'est dommage. Pour entrer sur le terrain du council, il faut être habillé soit en gris, en bleu, en cow-boy ou en indien. Il n'y a pas de public, c'est pas du tout payant ni pour le spectacle. C'est entre nous. On essaie de chanter, moi je sais pas chanter, mais j'ai des amis qui chantent très bien, presque comme des Indiens. Nos activités pendant le week-end, donc on chante et on danse aussi, on essaie de danser les danses indiennes comme ils le font encore actuellement. En ce moment, les Sioux sont toujours bien sûr en réserve, ils sont presque américanisés, je dis presque parce qu'ils résistent méchamment. Et ma foi, leur plus grande joie, c'est de se réunir le week-end et puis de chanter, de danser justement pour retrouver leurs racines, pour se replonger un peu dans leur passé. L'histoire du Far West, c'est d'abord l'histoire des Indiens. Et je ne voudrais pas paraître orgueilleux, mais enfin, nous essayons quand même, peu ou prou, d'aider, si tant est qu'ils aient besoin de notre aide, d'aider les Indiens, peut-être, en leur montrant qu'il y a des gens qui s'intéressent à eux, qui n'ont pas oublié leur passé, leur merveilleux passé. Et ma foi, peut-être que ça pourrait les aider, ça serait bien si ça pouvait être le cas. Il y en a qui sont venus au mois de mai l'année dernière. Ils ont été assez surpris de ce qu'on leur a montré, il faut reconnaître. On les a emmenés au Concile en Allemagne, justement, et ils s'attendaient à trouver une vingtaine de personnes. Ils en ont vu un millier, tous habillés en indien. Et ils ont été assez surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Et eux, ils étaient habillés comment, en américain ? Ils étaient habillés, oui, en jean. Alors, ils avaient leur costume de danse et ils les ont mis pour danser, mais le reste du temps, ils sont habillés en jean. Les vrais Sioux étaient habillés en jean. Et les Français étaient habillés en habits Sioux. Oui. La piste est West, nous voilà. Cette année, j'ai vécu un mois avec mes amis indiens, les Running Wolves, à Cheyenne River, c'est-à-dire la réserve de Minikanju. J'ai pu assister à une danse du soleil assez extraordinaire. Pendant 3 jours, nous étions pratiquement les seuls blancs sur tous les Indiens qui étaient là. Et il suffisait que je dise que j'étais avec Mike Running Wolf pour que les portes s'ouvrent. In the city, we was wondering where to go. A sign spelled out Palyachi up in lights above a show. We thought 'twould be a western till the stage lit up with light. And 97 people sung without a horse in sight. We couldn't understand them 'cause they spoke a foreign tongue. But we can give you some idea of what we think they sung. All at once, there's a fat guy in a clown suit. Tain't Halloween, that's for sure. Then this here feller, this punchy Neller, begins to beller like we all was deep. That was Palyachi, and he sung. Invest in a tuba and something or other about Cuba. He sung about a lady who weighed 280. When she takes a powder, he just starts chirping louder. And he don't do a gall-darn thing except to stand up there and sing. When we listen to Palyachi, we get itchy and scratchy. This sure is top corn, so we go and buy some popcorn. We hate to go back, but we can't get our dough back. Ain't no use complaining, 'cause outside it's a-raining. La danse du soleil, c'est une danse qui dure 3 jours. Ça s'appelle en réalité la danse face au soleil. Tous ceux qui ont fait le vœu sont habillés avec une couronne de sauge sur la tête, une couronne de sauge à chaque poignet, et ils portent une espèce de jupe faite d'un grand châle, si vous voulez. Bon, et la danse se déroule en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, du lever du soleil au coucher, c'est-à-dire de 8 heures du matin jusqu'à 5h30, 6h le soir à peu près. Pendant tous ces 3 jours, les danseurs ne sont à jeun et ne boivent pas. Ils passent tous les jours à la loge à transpirer. C'est assez dur, hein. Faut le faire. Et la plupart des danseurs, enfin là quand j'y étais pratiquement tous, ont fait le piercing, c'est-à-dire qu'ils se font fixer par des broches passées dans les muscles de la poitrine à un mât central. D'autres ont traîné aussi les crânes de bison, d'autres se sont fait suspendre au mât central. Enfin, c'est assez extraordinaire. Je l'ai pas fait, hein. Je suis pas prêt de le faire parce que quand même, bon, il faut le faire. Il faut des dispositions pour ça. Je sais pas si ça fait très très mal. Moi, j'ai pas eu l'impression qu'ils avaient très très mal. Bon, sur le moment, il y en avait quelques-uns qui pleuraient, oui, ou qui avaient les larmes aux yeux. Mais par contre, j'ai été fort très frappé par l'explosion de joie quand c'est passé, quand c'est fini. C'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et c'est ça qui m'a le plus frappé, plutôt que la douleur qui doit être fulgurante, mais fort, fort courte, tout compte fait. Oui, parce que, en fait, c'est quelques instants, quoi. Par contre, quand c'est fini, alors là, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde s'embrasse, c'est formidable. connaît des collectionneurs qui, eux, alors, ont des caisses entières de mocassins Sioux ou Cheyenne, et c'est complètement, je sais pas, des peaux à graisse de Colombie-Britannique, et, mais vraiment des collections, bon, qu'ils ont commencé à faire avant la guerre, parce que maintenant, on ne trouve plus des objets comme ça, surtout depuis que les André Breton et ses camarades ont dit que l'art indien était extraordinaire. Avant, on en trouvait partout, les gens mettaient ça à la poubelle. Mais j'ai vu chez le petit-fils de Matisse des rames de Colombie-Britannique peintes qui traînaient sous les lits des enfants. Je dispose, oui, d'un carquois avec un arc et deux flèches. Le carquois a comme caractéristique d'être fait en cuir européen et pas en peau indienne. J'ai retrouvé dans un livre sur les Kiowas un passage remontant aux années 1850, je ne me rappelle plus la date exactement, qui disait que pour la première fois les Kiowas s'étaient fabriqués des carquois en cuir qu'ils avaient récupérés sur des bottes ou sur des sacs de sel, et ça a l'avantage d'être plus rigide que la peau indienne, donc on peut le glisser, le sortir plus facilement de l'étui. Donc l'emploi du cuir européen peut être d'une époque assez reculée. L'arc est peint, lui pour sa part il est peint en rouge sur sa partie extérieure avec de la terre ocre, soi-disant que c'était distinctif des arcs de guerre, je ne sais pas, c'est possible. La corde est faite de nerfs, torsadée. C'est un arc utilitaire, c'est pas un arc touristique, donc on peut espérer que l'arc soit quand même antérieur à 1880. Peut-être 1870, peut-être 1860. Les objets indiens sont vraiment une petite part du marché d'art primitif. L'art primitif touche maintenant des prix énormes avec des très gros collectionneurs, surtout pour l'Afrique et l'Océanie. Et l'art indien d'Amérique du Nord comprend très peu des objets qui sont valorisés par, disons, des siècles d'art occidental, comme la sculpture et la peinture. L'art des Indiens d'Amérique du Nord est essentiellement des associations de peaux, de perles, de piquants, de porc épic, et des matériaux donc durs à exposer et pas tellement plastiques, disons. Alors donc, je pense pour cette raison, il y a une certaine ignorance des milieux qui achètent traditionnellement l'art primitif. Alors donc, comme il est très peu connu, on peut le trouver soit à des prix qu'on pourrait dire classiques chez des marchands spécialisés, ou par chance, de temps à autre, en trouver chez des divers antiquaires à des prix ridicules. Des prix plus en accord avec leur aspect extérieur et qui est souvent très frustre. Moi, j'ai des amis qui s'intéressent particulièrement à la guerre de sécession. Alors, ils étudient les batailles, les mouvements de troupes, choses comme ça. Ils réconstituent aussi les uniformes au bouton de culotte près, au bouton de guêtre près. Et c'est aussi assez compliqué parce que les boutons d'il y a 120 ans, c'est pas facile à trouver non plus. Alors, il faut chercher les matrices ou une copie approchante, enfin... Nous avons parmi nous des sudistes. Je m'appelle Luc Marlot, je suis président du Forsuna Cavalerie, qui est une association de 1901 à but non lucratif, qui se trouve à Aubervilliers. Je m'appelle Xavier Dur, je suis le rapporteur du club Confédéré de France, qui réunit tous les clubs sudistes de France, et je suis à Paris. Vous avez des accessoires qui ont quelque chose à voir avec le Sud? Enfin, principalement, oui, j'ai une montre, on est plusieurs en avoir d'ailleurs, qui joue l'hymne national, enfin, ce qui a été pris comme l'hymne national sur le Dixieland. Enfin, je m'amuse bien avec. Plutôt pour rire, oui. Oui, c'est ça. Il y a combien de membres dans le 1st Louisiana Cavalry? Bien, avec nos dames, on est une vingtaine. Parce qu'il y a des dames. Bien sûr, il y a des soldats, puis il y a des dames. Alors, quelles sont les activités du 1st Louisiana Cavalry à Paris? Ben, principalement, les councils de westerners, c'est les réunions des clubs westerns qui se passent en Allemagne, en Belgique, en France, où tous les types de westerners se réunissent, c'est-à-dire sudistes, indianistes... Trappeurs, et puis bien sûr les Yankees, puis nous. On va essayer d'étendre l'équitation d'une façon plus sérieuse à notre club. Mais c'est-à-dire que vous avez une cavalerie où tout le monde ne monte pas à cheval? Exactement. Le club confédéré de France lui-même, et le 1st Louisiana Cavalry en particulier, est chargé de retracer le mode de vie en 1860 à travers la culture. Ce qui signifie la musique, le langage, la littérature, l'histoire, les armes, l'uniformologie, et même certains s'intéressent à l'économie, les sports, le tir, l'escrime, l'équitation, qui sont en développement en ce moment, et la vie quotidienne elle-même, c'est-à-dire les habits, les outils, autres que les habits militaires et instruments militaires. Et vous fabriquez ces habits vous-même, ou est-ce que vous les achetez? Ma femme en fait une grande partie, parce que c'est son hobby de coudre, et puis surtout coudre des choses assez différentes de ce qu'on a l'habitude de coudre. Sarah a fait des toilettes, puis nos uniformes. Pas que nos uniformes, d'ailleurs, elle fait aussi des tenues. Des robes, des tenues aussi civiles, fantaisistes. His hide and ride him every day. Kiss your gal and leave her there and hope she's gonna stay. Hope she's gonna stay. Hope she's gonna stay. Yellow stripes on Bridget's blue, riding lonely for us. Just so we can ride behind and gaily sing this chorus. Brandon, burn and mark his hide and ride him every day. Kiss your gal and leave her there and hope she's gonna stay. Hope she's gonna stay. Hope she's gonna stay. On trouve actuellement des fournisseurs qui fabriquent suivant les répliques, enfin de bonnes répliques suivant les originaux. C'est même en sel, la céleri, on peut trouver la céleri ressemblant exactement à l'identique, enfin la vraie. Et quelle est la mentalité que vous essayez aussi d'imiter? Oui, on essaye, dans la mesure du possible, de retrouver l'esprit du Sud profond, du Deep South, que l'on suppose être chevaleresque et ayant un sens de l'honneur. Il y avait dans des traditions dans le Sud qui étaient plus proches d'une certaine noblesse, d'une vie beaucoup plus lente. Que dans le Nord, où finalement c'était le début de la nouvelle période, si vous voulez. En fait, c'est un peu peut-être de la nostalgie, mais... La nostalgie pour une certaine aristocratie, alors? Non, même pas pour uniquement. Le Cajun des Bayous, même pour le petit blanc, le pauvre blanc, comme on le nommait. Mais vous ne mettez pas vos habits de sudiste le week-end pour des réunions ou... Cours de bal ou de... Pour les balles, oui. On fait un repas ensemble. Oui. Nous étions, au repas annuel, nous étions tous équipés de pied en cap. gants blancs, tenue numéro 1. Vous pouvez décrire ce repas? C'était dans un petit restaurant du côté d'Arcueil. Mmh. Et c'était un lunch, en fait, au cours duquel, sur fond de musique cajun, puisqu'on est organisé par la Louisiane, et nous avons mangé, visionné un film des activités de l'année, et puis dansé le quadrille au son de musique adéquate. Lieutenant, Colonel, General. Oh, il n'y a pas d'officier supérieur. Il y a le grade le plus élevé. Il y a capitaine. Enfin, dans mon régiment, il y a un capitaine et il y a un sergent. Et le reste sont des soldats. Quoi. Comment est-ce que vous décidez qui peut monter en grade? Ben, c'est entre nous, comme ça, simplement. Je peux peut-être répondre à ces questions parce qu'il est modeste, il ne veut pas le dire. Il voulait se faire nommer capitaine dans le courant de l'année prochaine. C'est nous qui l'avons poussé à s'équiper en capitaine parce qu'on commençait à être suffisamment nombreux pour que ce soit logique, si vous voulez, pour éviter de ressembler à une armée du Mexique. Alors vous êtes capitaine et vous êtes... Simple soldat. Demain soir, troisième épisode, les cowboys des plaines et ceux de Hollywood. Jean-Jacques Palix, Roxane Machayaki, Michel Dupuis, Bernard Maître, Alain Pouget, Nuit Magnétique, Josette Collin, Pamela Titel, Good Night. Thank you. cette émission a été diffusée pour la première fois le 23 décembre 1980. La suite, demain, à la même heure. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr. Tant de vallées, de prairies, de rivières et la joie des plaines, la chance, la déveine. J'ai croisé des cactus, des coyotes, des roulottes à la chaîne et des fantômes à l'appel. J'ai dévalé tout le monde, mes bottes foulées la poussière, les bonheurs et les peines. J'ai bravé sans danger, traversé les terres chères aux Cheyennes. J'en ai déçu, déçu ou même. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. J'ai tant laissé derrière moi, abandonné mon cœur au désert, soumis mon corps aux tempêtes. J'ai misé sur demain, j'ai flambé mes dollars au poker. J'ai tout brûlé, mes amulettes. J'en ai pisté des canailles, des terreurs, la nuit à cheval, sous la chaleur sans éventail. J'ai croisé des prêcheurs, des païens, des hommes sans loi ni âme. Sans faille que j'aime. Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane, Calamity Jane. De rivières et la joie des plaines, la chance, la déveine.